Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage entre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Salut à tous, vous écoutez Carapatage, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Ce soir, on va parler de handicap, de travail et d'enfermement. Et pour ça, on est quatre. Donc en studio, je suis avec Henri. Salut. Alix. Salut. Et à la technique. C'est Avril. Et moi, c'est Maëlle. Donc, comme d'habitude, pendant toute l'émission, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Et sinon, vous pouvez nous joindre par mail sur carapatage@riseup.net, sur Instagram @carapatage ou par courrier au 4 Villa Stendhal, 75 20 Paris. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et toutes les autres sur notre blog carapatage.noblogs.org et sur Spotify. Et donc pour commencer, on va faire quelques brèves. Alix, tu voulais nous parler d'évasion? Ouais, enfin de tentative d'évasion plus exactement. Du coup, il y a eu une tentative d'évasion le 6 novembre à la prison de Perpignan. Où il y a un détenu qui, lorsqu'il est rentré de permission de sortie, a changé d'avis et a essayé de se débattre et de s'enfuir. Et il a été finalement placé au quartier disciplinaire. Et il y a eu une deuxième tentative d'évasion à Saintes, en Charente-Maritime, le 14 novembre, où le détenu il est parvenu à s'échapper en sortant les poubelles. Malheureusement, il a été rattrapé 3 jours après. Du coup, on souhaite bon courage à eux deux. Et voilà, pour dire que tant qu'il y aura des prisons, il y aura des gens qui chercheront à s'échapper. Et que pour le détenu à Perpignan, la paix, elle communique en disant que c'est bizarre parce que c'est pas un détenu qui est violent habituellement. Mais aussi rappeler que c'est rentré en prison après une perme qui est violent pour les gens, quoi. Et sinon, pour continuer, aujourd'hui, c'est le jour, le Tidor, le jour du souvenir trans. Et donc, il y avait des rassemblements un peu partout, dont à Paris à 18h30, auquel on a récupéré un tract qui était chouette et qu'on avait envie de vous lire. Donc, pourquoi mon trans me mord quand je lui donne un droit ? En cette journée du souvenir, où nous nous rappelons les mortes du système transphobe, la rage répond au vide laissé par celles qui ne sont plus là. La rage de n'avoir droit qu'à la place du de le la gentille marginale qui reste tranquille. Celui qu'on inclut dans les systèmes, dans le système cis-hétéro, à condition qu'elle se plie à des normes et refuse de s'insurger contre lui. Face à la mort et à la détresse de nos adelphes, à qui demandons-nous justice ? À la machine judiciaire qui broie la liberté des plus opprimés ? Pouvons-nous abandonner nos colères au bras du même État qui écrase la vie de tant de proches, à la police qui humilie et violente? Lorsque nous demandons de la reconnaissance au pouvoir, nous acceptons ses termes et la violence avec laquelle il gère nos quotidiens, les hiérarchise, qu'il reproduit entre les vivantes sa manière de les classer en fonction des stigmates qu'il nous colle irrémédiablement. C'est l'État qui nous tue, qui nous pousse au suicide, ou laisse les meurtres se faire. Et ce ne sont ni les réformes, ni les droits qui changeront la disposition des pièces. Les droits ne s'obtiennent toujours qu'en écrasant les autres. Ils sont d'autant d'occasions pour l'État de faire le tri entre les bonbonnes, trans et les mauvaises. L'embourgeoisement d'une partie d'entre nous ne peut se faire qu'à la condition d'abandonner les plus précaires. Avons-nous envie de devenir actrices de ce monde de merde? Souhaitons-nous obtenir plus de confort quand celui-ci s'obtient par la marginalisation et l'écrasement d'autres opprimés? Il n'y a aucune voie libératrice dans les couloirs d'un État qui enferme et tue. Celui-là même qui jette dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les personnes pauvres, folles, TPG, racisées, sans-papiers, TDS. On veut trouver d'autres moyens d'améliorer nos conditions qu'en faisant du grain à moudre au système qui nous écrase, en faisant des compromis face à celui qui assassine. Qui veut péter le système plutôt que d'en agrandir les contours? Développer des formes de soins en dehors des logiques marchandes et familialistes, sans oublier personne sur le chemin. Construire des réseaux d'entraide et de mutualisation de nos compétences, de thunes, du care, de partage d'hormones, inventer d'autres moyens de vie collective, s'aimer, squatter, voler, baiser et comploter pour la fin du monde. Ne plus enterrer nos rages sous les injonctions des psys, de la justice qui veulent nous pacifier, mais construire des complicités dans l'attaque et dans l'intimité. Depuis l'attaque des conférences transphobes FAF notoires à Lyon et à Paris, jusque dans les espaces où l'on organise notre autonomie et partage nos existences, il y a mille manières de se rencontrer pour que nos colères deviennent les forces qui nous rassemblent, qu'elles soient le départ d'une attaque des maillons de l'État qui nous écrasent, qu'elles mettent en acte des formes nouvelles de solidarité avec tous les opprimés, sans distinction. Crève la transphobie, crève la justice et le capitalisme, à bas l'État, grrr. Et justement, on voulait vous parler d'une camarade trans qui est incarcérée à la prison de Tarbes. Parce qu'en fait, mi-octobre, il y a 4 personnes qui se sont fait arrêter dans plusieurs coins de la France, dans la rue, lors d'arrestations ciblées ou à leur domicile à 6h du mat. Et elles ont été chacune conduites jusqu'à Toulouse pour y subir des gardes à vue allant jusqu'à 94h, dans le but d'une instruction pour association de malfaiteurs liée à la lutte contre l'A69, l'autoroute, qui a prévu de détruire des zones naturelles, voilà, de mettre en danger un milieu, des forêts, etc. À l'issue de sa garde à vue, une des personnes, Luna, a été mise en examen et envoyée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir détruit une pelleteuse par substance explosive et d'association de malfaiteurs en vue d'une destruction par voie dangereuse. Depuis, elle est à la maison d'arrêt pour hommes de Tarbes, alors que c'est une meuf trans. Et parce qu'elle est une meuf trans, elle est mise à l'isolement. L'instruction est toujours en cours et son comité de soutien est joignable à l'adresse soutien-luna@riseup.net. On vous mettra les infos sur le blog. Et ensuite, je voulais donner des nouvelles d'une affaire qui se passe en Grèce. Donc le 31 octobre à Athènes, il y a eu une explosion dans un appartement qui a tué un compagnon anarchiste, Kyriakos, et a gravement blessé une compagnonne, Mariana. Elle a ensuite été hospitalisée 2 semaines à l'hôpital Evangelismos à Athènes, où les soignants ont activement travaillé avec les flics en les laissant prendre ses empreintes alors qu'elle était encore inconsciente et en la laissant subir les interrogatoires de l'antiterror alors qu'elle était encore à l'hôpital. Vendredi dernier, soit le lendemain seulement d'une opération, elle a été transférée à la prison de Korydallos, où il n'y a pas de service hospitalier. Et avant-hier, les flics ont encore interpellé une personne dans cette affaire. Et donc samedi dernier, il y a eu un appel à une journée internationale de commémoration et d'action de solidarité, où il y a eu plusieurs attaques revendiquées un peu partout en Europe, des banderoles et des textes sortis dont à Paris. Et on mettra sur le blog l'appel en question avec l'adresse mail à laquelle peuvent être envoyés les textes. Et ensuite Henri, tu voulais nous parler de... De Georges Ibrahim Abdallah qui est enfin libérable après toutes ces années de prison. Le juge d'application des peines a décidé qu'il était libérable s'il quitte le pays, ce qu'il a accepté. Malheureusement, le parquet national antiterroriste a fait appel parce qu'ils sont prêts à tout pour ne pas le libérer et le garder en prison. Donc, force à lui. Et voilà, chaque année, il y a des manifs devant l'Admezan pour exiger sa libération, mais aussi celle de tous les autres prisonniers, parce qu'en fait, tous les prisonniers sont politiques. Et pour finir, un point d'agenda, ce samedi 23, il y a la manif de la journée contre les violences sexistes et sexuelles, VSS, et il y a un appel à faire un cortège offensif, intersectionnel et anticarcéral pour lutter contre l'instrumentalisation des VSS par l'État et les médias, et pour pousser des politiques racistes, comme ça a notamment été le cas après le meurtre de Philippine en septembre. Et donc pour ce cortège, il y a un rendez-vous devant le Monoprix rue de Dunkerque à 13h30 et l'appel entier est sur Paris Lutte. Voilà, c'est tout pour les brèves. Donc ce soir, on va parler de handicap d'enfermement. Mais avant ça, on va commencer en s'écoutant une musique. Donc c'est Claw Machine de Sloopy Jane et Phoebe Bridgers. Écoutez toujours Carapatage, donc on est en direct jusqu'à 22h environ sur Radio Libertaire 89.4 FM et donc vous pouvez nous appeler pendant toute l'émission au 01 43 71 89 40. Et juste avant de commencer, Henri, tu voulais nous dire un truc sur la musique. Ouais, la musique qu'on vient d'écouter, elle fait partie de la bande originale du film I Saw the TV Glow, qui est un film qui a été réalisé par une personne trans non-binaire, transfemme, qu'elle a voulu réaliser pour parler comme une métaphore de la transition, ou plutôt de la difficulté de transitionner dans une société transphobe. Et donc ce soir, notre sujet principal, ça va être l'handicap, l'enfermement et le travail. Donc pour ça, on va commencer par un sujet sur le travail des personnes handicapées. Et donc Henri, tu vas commencer par nous lire un extrait. Ouais, alors pour introduire ce sujet, je vous propose de lire le premier article de Handicapé Méchant, le journal des comités de lutte des handicapés, sorti en juin 1974, le numéro 1, au prix minimum de 1 franc, et qui dit les choses suivantes. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Pourquoi ce journal et pourquoi ce titre ? Nous ne sommes pas plus méchants que les paysans du Larzac, que les femmes en lutte pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que les immigrés dénonçant leurs conditions de logement, de travail, que les prisonniers s'élevant contre l'univers carcéral, que les travailleurs de l'IP, les travailleuses de chez Cousseau, se dressant contre les rendements, les licenciements, les salaires de misère, les plaisirs faméliques. Non, pas plus méchants, comme eux, comme elles, nous ne voulons plus être dépossédés de notre droit à la vie, du droit de disposer de nous-mêmes, du droit au plaisir, au désir. Handicapés méchants, forcés de le devenir, parce que nous sommes, quel que soit l'handicap, des laissés pour compte, des pauvres malheureux qu'il faut aider, des exclus de tout. Du monde du travail, de la formation professionnelle, intellectuelle, où nous entrons par la petite porte, atelier protégé, centre d'aide par le travail, emploi réservé, sélectionné, loi des 3%, métier interdit, exemple, instituteur, institutrice. Disqualifiés, peu d'handicapés trouvent un emploi équivalent à leur diplôme quand ils en ont, sous-payés, etc. Exclus du monde des loisirs, du jour le jour, où nous ne pouvons pas accéder sans mendier un bras valide, une âme charitable, parce que les transports en commun ne nous sont pas accessibles, alors qu'il y a des marches pour rentrer à la poste, au théâtre, au cinéma, dans une maison de jeunes et même au commissariat, parce que les trottoirs sont trop petits et les ascenseurs trop étroits. Parce qu'il faut qu'éclate devant tous, écrit noir sur blanc, le vrai scandale de nos conditions de vie. Parce que nous sommes seuls à bien connaître le sort qui nous est fait, nous devons, comme les autres exploités, surexploités, placer notre voix, imposer nos droits, refuser qu'on parle, qu'on décide en notre nom. Parce que nous devons nous prendre en charge, parce que personne ne peut le faire à notre place. Exclus du monde affectif et sexuel que nous regardons, malades de peur ou d'envie, derrière les grilles de nos hôpitaux, de nos hospices, de nos familles, de nos ateliers protégés, etc. Un handicapé avec un sexe, oh, quelle horreur! Pourquoi ce journal ? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, à travers la France, à soulever le joug de notre propre oppression, à nous organiser en comité de lutte, un journal, organe de liaison et d'information, devient nécessaire. Voilà, et du coup, là, ce texte, il relate des grèves au CAT. Donc, on va parler de l'institution qui a suivi ça, c'est les ESAT. Donc c'est des lieux de travail pour handicapés. Donc là je vais commencer par une petite présentation de comment fonctionne un ESAT. Donc déjà pour situer un peu, ça concerne environ 120 000 personnes en France, réparties sur 1400 ESAT. Donc c'est quand même des grosses entreprises, réparties surtout en périphérie de centres urbains ou dans des milieux ruraux. Et donc officiellement, ce sont des établissements médico-sociaux. Mais contrairement à ce que on peut penser ou entendre, c'est avant tout des usines. D'ailleurs, la plupart sont sous-traitantes de boîtes classiques, genre Schneider Electric, ce type de boîtes, et que des boulots dans ces endroits classiques sont le démontage de box internet, la fabrication de présentoirs de magasins, du maraîchage, fabriquer des disjoncteurs électriques, bref, des tafs de merde qui fatiguent et abîment le corps pour des personnes globalement plus fatigables que les valides. Et donc en plus de ça, vu que, comme on l'a dit, c'est officiellement des établissements médico-sociaux, qu'ils n'ont pas le statut d'usine, les personnes handicapées qui y travaillent ne sont pas des salariés mais des usagers, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contrat de travail, elles ne reçoivent pas de salaire mais une compensation. Les ESAT doivent verser un minimum de 5% du SMIC, la moyenne étant à 11% du SMIC, ce qui est ensuite complété par de l'argent de l'État à hauteur de 50% du SMIC. Et ensuite les ESAT, comme toute usine, vendent leur production ou facturent leurs clients auprès de qui elles sous-traitent, et donc touchent de l'argent comme ça. Et donc les gens qui travaillent, enfin les handicapés qui travaillent en moyenne touchent environ 750 € par mois, qui est dans beaucoup de cas, mais pas forcément systématiquement, complété par de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, qui à taux plein en France est autour de 1070 euros. Sachant que si on touche trop de salaire en ESAT, l'AAH est réduite. Donc globalement, les personnes touchent un peu moins que le SMIC, atteignent à peu près un SMIC avec toutes les aides, les APL, etc., etc., pour travailler jusqu'à un temps plein de 35 heures dans ces usines. Parce que donc, c'est pas toujours cumulable donc, avec StarH. Et aussi récemment, ça s'est intégré dans le réseau France Travail, qui a accès aux listes des personnes qui ont l'AAH pour éventuellement les orienter vers des ESAT, donc les mettre au travail. Et donc ça fait notamment cette absence de droit et de contrat de travail, ça fait qu'il y a plein d'autres droits aussi qui n'existent pas. Il n'y a pas de possibilité d'aller au prud'homme, il n'y a pas de possibilité de. Les possibilités de lutte institutionnelle contre les employeurs sont hyper réduites. Et jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 3 mois, il n'y avait pas de droit de grève ni de syndicalisation. Ça a changé il y a 3 mois, mais donc voilà, c'est très récent. Et on ne peut pas vraiment savoir si ça a déjà été mis en place ou pas. Et pour la petite histoire, la CGT a fait un communiqué dans lequel elle dit qu'elle est contre ces modifications parce que ça va à l'encontre des besoins des personnes handicapées selon elle. Alors avec des raisons qu'on peut comprendre pour certains, pour certaines qui disent par exemple que si les personnes handicapées vont travailler dans le milieu ordinaire, elles auront peut-être moins d'aide, moins d'assistance nécessaire. Mais en réalité, on sait déjà que dans les ESAT, les personnes sont exploitées et n'ont pas forcément l'assistance dont elles ont besoin. Et d'autre part, ça pose quand même question quand ces travailleurs handicapés pourraient être de potentiels adhérents, mais visiblement, ça n'intéresse pas la CGT. Ouais, parce que aussi il y a le truc que depuis 2005, toutes les entreprises de plus de 20 salariés sont légalement obligées d'embaucher 6% d'handicapés. Sinon, elles payent une espèce de taxe amende. Sauf que, à la place, elles peuvent juste sous-traiter à des ESAT. Ce qui leur permet de pas faire d'aménagement dans les lieux de travail et parce que du coup ça répond un peu à cette logique de l'État de les faire travailler tous au même endroit histoire de réduire les coûts d'aménagement et les coûts de gestion de ces personnes parce que du coup elles produisent et voilà, sachant que quand on lit tous les témoignages, les ESAT, il y a vraiment pas tant d'aménagement que ça, et ça répond aussi à des logiques économiques de rentabilité. Les salaires payés aux personnes handicapées qui travaillent répondent à des logiques économiques comme les salaires partout, c'est-à-dire que les boîtes cherchent à les payer moins, elles cherchent à gratter sur ces quelques pourcents du SMIC qu'elles payent. Tout le monde n'est pas forcément payé pareil. Et voilà, parce que aussi, on entend pas mal que les ESAT font rarement des bénéfices, mais il faut rappeler que bénéfice, ça veut dire qu'une société dégage de la thune après avoir payé tout le monde. Du coup, le fait que les ESAT ne produisent pas toujours des bénéfices, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui se font de la thune dedans. Il faut pas oublier que du coup, dans les ESAT, il y a bien des gens qui sont payés normalement, hein, qui sont salariés, qui ont des contrats de travail, qui ont tous les droits qui vont avec, c'est les valides. Qui ont globalement un rôle de contremaître, de manager, qui supervise les handicapés. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a fait une enquête sur les ESAT qui s'appelle Handicap à vendre. C'est Handicap à vendre de Thibaut Petit, c'est un livre. Et il raconte qu'il a rencontré plusieurs personnes qui travaillent en ESAT et il relaie leurs paroles. Et en fait, elles disent que les contremaîtres, ils ont soit accès à du café gratuit dans certains ESAT, soit le café peut être à 20 centimes, par exemple. Quand le café des usagers, donc des travailleurs handicapés, va être, par exemple, de 40 centimes, 50 centimes, le double. Donc voilà, il y a plein de micro-humiliations comme ça, de systèmes qui montrent qu'il y a d'un côté les travailleurs, les chefs, les contremaîtres, et de l'autre les travailleurs handicapés qui sont moins bien considérés. Et parce qu'aussi dans les valides qui se payent des salaires et se font de la thune, sur ce système-là, il y a les associations qui possèdent les ESAT, parce que du coup les ESAT sont majoritairement gérés par des associations qui sont pour la plupart créés à l'initiative de parents d'handicapés. Parmi ces associations, la plus grosse, c'est l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l'UNAPI, qui regroupe 550 assos locales, qui représentent environ la moitié des ESAT. Et pour la petite histoire, l'UNAPI gère aussi des associations tutélaires, du coup, qui gèrent les tutelles des gens. Donc pour ça, et pour plus d'infos sur ce type d'assaut horrible qui gère les gens, on a fait une émission en mai sur les tutelles, donc le carapatage 70 qui est sur le blog. Et sinon, on trouve aussi d'autres assos gestionnaires, comme l'Association des Paralysés de France, dont Henri, tu vas nous dire un mot ? Oui, alors sur le blog Objectif Autonomie, qui est un blog antivalidiste, j'ai trouvé un communiqué qui s'appelle APF hors de nos luttes. Donc l'APF, c'est l'Association des Paralysés de France, qui elle aussi possède et fait tourner des ESAT. Donc je vous lis quelques extraits de ce communiqué qui a été écrit lorsque l'APF a voulu s'approprier la lutte de la déconjugalisation de l'AH. L'histoire a montré depuis longtemps que ce n'est pas la défense de nos droits qui concentre leur attention, mais celle de leur intérêt, qu'elles sont davantage occupées à chercher un salut pour les institutions et les ESAT dont elles sont les gestionnaires. Elles préfèrent assurer, moyennant finances, la survie de leurs établissements et celle d'un système de discrimination généralisée, alors que le droit international les condamne et que le comité de l'ONU réclame à la France leur fermeture, précisément pour ce qu'ils sont. Des structures de privation de liberté et d'exploitation par le travail, où nous ne sommes en rien protégés, mais vulnérabilisés, pathologisés, où les violences sont multipliées et dissimulées, où nos paroles sont tues, où menaces et impunités font loi, où nous est imposée la vie en collectivité, où nous ne sommes plus libres, ni de nos décisions, ni de nos actions. Ainsi, l'APF, l'Association des Paralysés de France, et les associations gestionnaires, qui fonctionnent comme elles, voudrait-elle s'attribuer, dans le champ du handicap, le rôle de défenseur de nos droits, en s'emparant de nos luttes, sans jamais lutter, sans jamais contrarier le validisme d'État, parce qu'il leur est profitable, parce qu'elles lui sont redevables. Elles ont été installées par chaque gouvernement dans toutes les instances représentatives, appelées à siéger dans tous les comités, à participer à toutes les consultations, sans partage, sans qu'aucune contradiction ne puisse être opposée à leur discours intéressé, alors que le conflit d'intérêts est évident. Elles préfèrent relayer sur nous des préjugés et des stéréotypes misérabilistes qu'elles instrumentalisent pour mieux trouver au régime d'institutionnalisation des excuses pour le justifier et se justifier d'être en réalité les principales bénéficiaires pour s'assurer d'être indispensables et largement financées. Voilà, et bon, on va continuer à parler un peu des ESAT, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Insortable de Le Talus sur une production de Palace Anon. Moi j'entends que l'oreille droite. Moi j'entends la tout. Vite ta tête. Eh ben je vois rien avec mes lunettes surtout. Et vous nous donnez le go, c'est quand ? C'est là. Eh vite un terre, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Hey, j'suis 12 fois amoureux, j'sais même plus où poser les yeux. Ma team, c'est des rageux, que soit leur manière, sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables, flow imbattable, tension palpable. Quand on arrive en villa, c'est pas pour le shopping, non. Gaffe à ta fortune, égare au mass spreading. Bienvenue dans l'hémicycle des dissipés du fond de la classe. Tricheuse, imprévisible, souvent seulement en manque de cash. Difficilement divisible, langoureusement illicite. Safique et sodomite, on est les rats du récidiviste et vite inter. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre. Tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de petites biches sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Posé dans le bâtiment, barricadé, serrurgie chant. Ça fume le CBD, conspire la suite des événements. Première règle, pas de flic inside. Deuxième règle, partage la maille. Troisième règle, spread the love. Et dernière règle, masque dans le coffre. Ma team a les mains agiles, ouais c'est plus du vol, non c'est du pillage. Ma team a l'arnaque facile, à la manière d'en fumer le chômage. Et on a c'est l'écume des journaux, on est plutôt tu m'as mis l'histoire. Blablabla, tu causes pour ta cause, on parle pas ta langue, on est des sauvages. Blabla, tu crois qu'on a besoin de toi, on style des sextoys à la scie sauteuse. Qu'est-ce que tu crois et tu fais pas le poids sans doigt, ta main ne sera plus baladeuse. On n'apprend pas le danger, on a des cascadeuses. On prend pas le rinté, à la décasseuse. On fait pas chanter, on est des rappeureuses. Et vite teinté, vite teinté. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre. Tu peux pas tester, on est des terres. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go, tout parti, viens leur paniquer de sortie. La street, elle est à qui? Elle est à nous. Les fashion détestent, pourquoi me passent? Ils sont jaloux. Et t'es en 6 nulle part, couillons de partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est, on trace, on avance sans vous. Si tu veux notre cul, va falloir allonger. Si tu ouvres trop ta gueule, tu vas te faire allonger. Même si on fait que passer les murs, tu vas allonger. Plus de seum dans ton verre, t'inquiète, c'est ma tournée. Vengeance si Paris froid doit se manger. Moi j'en ai rien à foutre de tes proverbes pétés. C'est riposte immédiate, à peine t'as commencé. C'est la jeune heure panique, tu fais bien paniquer. La street elle est à qui? Elle est à nous. Les fachos nous détestent, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Et t'es aussi nulle part. ACAB, et bien à vous, Akabizo. Vous êtes toujours sur Carapatage, donc on est en direct jusqu'à 22h. Donc on va continuer un peu sur les ESAT. Henri, tu voulais nous parler du fait de sortir des ESAT. Ouais, alors en fait, c'est assez difficile de quitter un ESAT parce que le but d'un ESAT à la base, tel que c'est écrit et la raison supposée pour laquelle ça aurait été créé, c'est de pouvoir après avoir une insertion dans le milieu dit ordinaire. Donc déjà, le mot ordinaire en dit long sur ce que la société pense des handicapés. En réalité, il y a moins de 2% des travailleurs d'ESAT qui finissent par obtenir un poste dans le milieu ordinaire, premièrement. Et deuxièmement, surtout, comme les patrons d'ESAT et les contremaîtres sont dans un délire de productivité, ils n'ont pas du tout intérêt à se séparer de leurs meilleurs travailleurs, entre guillemets, de ceux qui sont plus productifs, pour pouvoir tenir leurs objectifs par rapport à leurs prestataires, aux sous-traitants ou aux entreprises pour lesquelles ils travaillent. Et pour vous dire à quel point, dans quelle mesure le travail prend plus de place qu'une supposée aide vis-à-vis du handicap et des besoins des personnes, pour préparer cette émission, j'ai notamment écouté l'émission Minuit décousu qui parle des ESAT, dans lequel on a le témoignage d'un travailleur qui dit que par rapport à sa pathologie, il a besoin d'avoir un chien d'assistance et que c'est un besoin vital, quoi, pour prévenir ses crises notamment, et que le directeur de son ESAT lui a interdit d'avoir son chien au travail en disant que c'était un atelier et pas un chenil. Et voilà, c'est encore un exemple qui montre que la production et le travail passent avant les besoins des personnes handicapées. Ouais, et donc aussi sur la sortie des ESAT et sur les accompagnements, etc., on trouve beaucoup de récits autour des parents qui parfois aident leurs enfants à en sortir, parfois les mettre dedans. Y a aussi, enfin, on trouve un peu de tout, et on voulait rappeler que, enfin, ce que ça montre avant tout, c'est que bah, les parents, on leur donne encore un pouvoir sur leurs enfants quand leurs enfants ils sont handicapés, quel que soit l'âge de leurs enfants. Que du coup, c'est le problème avec tout. Enfin, c'est un peu la base de l'institutionnalisation, c'est de continuer à garder plein d'autorités, que sont les médecins, les parents, etc. Et il y a très peu de place pour la parole des gens, leurs choix. Enfin voilà, du coup, ça fait penser à tout ce qu'on développait sur les tutelles, du besoin d'autorité extérieure pour toutes les démarches, toutes les étapes. En fait, même quand les parents sont du côté de leurs enfants adultes handicapés, leur parole est quand même plus écoutée, la parole des parents est quand même plus écoutée que celle des handicapés eux-mêmes. Voilà, ce qui crée vraiment un truc de paternalisation de ces personnes-là, quoi. Après, nous, on a fait état de revendications d'égalité dans le travail entre les travailleurs handicapés et les autres, ainsi que l'intégration dans le milieu ordinaire. mais nous, on souhaite à personne de travailler. On souhaite que l'AAH soit bien haut et à tout le monde de vivre dans de bonnes conditions. On souhaite à personne de travailler parce que le travail, ça flingue le corps et le cerveau et qu'on n'aime pas ça pour tout le monde, les valides et les handicapés. Et puis clore sur ce sujet, on voulait dire que le tri parmi les handicapés et le fait de trier les handicapés et les valides, c'est pas nouveau. Il y a plein d'exemples dans l'histoire qui font état de tels phénomènes. Par exemple, pendant la période nazie en Allemagne, où il y avait un tri entre les handicapés capables de travailler et les handicapés qui n'étaient pas capables de travailler et qui étaient tués, avec une idée de les faire travailler pour qu'ils rapportent plus que ce qu'ils nous coûtent. Et le fait que les handicapés qui ne peuvent pas travailler ne sont pas, leur vie n'est pas désirable, quoi. Mais ça, ce sujet-là, on va revenir dessus dans la suite de l'émission avec une réflexion autour du suicide assisté. Ouais, et donc aussi, quand on a travaillé là-dessus, pas mal d'aspects, c'est-à-dire le fait de travailler hors du travail officiel, du coup le travail présenté beaucoup comme une manière de se récupérer une dignité dans la société, etc., etc. Ça nous a fait pas mal penser au taf en prison. Et d'ailleurs, il se trouve que il y a des ESAT dans les prisons parce que depuis un décret sorti fin 2023, c'est un décret qui permet l'implantation des ESAT en prison. Il y en a un qui a été créé en janvier 2024 à la prison de Val-de-Reuil pour 10 détenus handicapés. Cette création, elle est arrivée après une expérimentation depuis 2014 dans la même prison réservée aux personnes souffrant d'un handicap psychique qui ne bénéficieraient d'aucun autre accompagnement spécifique en prison, soi-disant. Et puis, suite à cette création, il y a eu une convention qui a été signée entre une des associations gestionnaires d'ESAT, la PAGE et le ministère de la Justice concernant les prisonniers avec des handicaps physiques et mentaux. Par exemple, il y a aussi deux autres entreprises adaptées au centre de détention de Poissy et de Châteauroux, ainsi qu'à Annecy-Sym dans le Haut-Rhin. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en prison et pour les peines à l'extérieur. Les personnes handicapées condamnées à des tiges pourront être, entre guillemets, accueillies en ESAT. Quel programme ? Même en prison, on met les handicapés au boulot. Voilà. Et donc, on va continuer à parler de handicap en prison. Mais bon, avant ça, on va quand même faire une pause et s'écouter « Femme in a Black Leather Jacket » de Pansy Division. Black leather jacket, he's a gem. In a black leather jacket, he's a femme. In a black leather jacket, and I wanna take him home with me. With his long, long hair and pouty lips, cute little butt and sexy hips. The way he moves has me inspired. He's the boy that I require. He's a femme. In a black leather jacket, he's a gem. In a black leather jacket, he's a femme. In a black leather jacket, and I wanna take him home with me. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme. He looks as good in a skirt as he does in jeans. He is a most notorious queen. His personality, I'm not impressed, but I can't wait to get him dressed. He's a femme. In a black leather jacket, he's a gem. In a black leather jacket, he's a femme. In a black leather jacket, and I wanna take him home with me. He's a femme. In a black leather jacket, he's a gem. In a black leather jacket, he's a femme. In a black leather jacket, and I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me. Vous écoutez toujours Carapatage, en direct jusqu'à 22h environ, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Vous pouvez nous appeler pendant toute l'émission au 01 43 71 89 40. Avril, ça fera un plaisir de vous répondre. Et avant de continuer, Henri, tu vas nous donner une définition. Oui, alors avant de continuer la suite, on se disait que ça pouvait être cool de définir le validisme parce que c'est pas forcément un concept avec lequel tout le monde est à l'aise ou tout le monde sait ce que ça veut dire. Le validisme, c'est un système d'oppression subi par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance aux normes établissant la validité. Et ça va nous permettre d'introduire la partie d'Alix qui va nous parler du handicap en prison. Ouais, donc moi je vais parler un petit peu du handicap en prison. Donc parce que les personnes handicapées peuvent être emprisonnées. Les chiffres, ils sont compliqués à trouver. Officiellement, en 2013, il y avait 309 personnes emprisonnées qui présentaient un handicap moteur et 185 personnes en 2015 qui nécessitaient une aide pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Donc ça, c'est les seuls chiffres officiels, donc ça date et ils sont probablement très sous-évalués. En plus, depuis plusieurs années, il y a aussi un vieillissement des personnes enfermées, avec aujourd'hui plus de 4% des détenus qui ont plus de 60 ans. Donc ça augmente aussi la probabilité des personnes qui soient porteuses d'un handicap. Il y a la loi pénitentiaire de 2009 qui dit que donc les restrictions qui sont imposées aux personnes enfermées, ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. Dans les faits, l'immense majorité des prisonniers et prisonnières porteurs de handicap sont enfermés dans des conditions classiques, sans aménagement particulier, même si du coup, officiellement, les conditions d'incarcération sont censées tenir compte de leur état de santé. Il y a des cellules PMR qui existent en prison, donc pour personnes à mobilité réduite. Depuis 2010, les établissements qui sont construits après 2010, qui font plus de 120 places, doit y avoir 3% des cellules qui doivent être PMR. Et pour les établissements construits de taille plus réduite, doit y avoir 2%. Et pour les prisons qui existaient du coup avant cette date-là, doit y avoir 1% des cellules qui doivent être transformées en cellules PMR. Déjà, d'une part, c'est très peu. En plus, je pense que c'est qu'à moitié respecté. Ces cellules PMR, elles sont quand même très critiquées. Parce qu'elles sont un peu plus grandes, mais elles sont pas non plus, elles permettent pas non plus aux personnes en fauteuil de vraiment avoir des possibilités de se mouvoir correctement, quoi. Le fait qu'il y ait aussi peu de cellules, ça fait qu'il y a beaucoup, que la plupart des prisonniers sont enfermés dans des cellules classiques. Avec les problèmes que ça peut poser d'impossibilité du tout de bouger dans la cellule, quoi. Et même quand il y a des cellules PMR, la bibliothèque, les parloirs, la promenade, les salles d'activité, tout ça, souvent, c'est non accessible. Il n'y a pas de rampe, des escaliers, tous les aménagements qui posent souci, et ce qui fait que les personnes, elles se retrouvent encore plus isolées parce qu'elles ne peuvent pas se rendre dans ces espaces où il y a la possibilité de croiser d'autres détenus. Ou alors, si elles s'y rendent, elles doivent passer par des obstacles et se retrouver aussi dans des positions humiliantes face aux matons. Par exemple, il y a des témoignages de détenus qui sont obligés de ramper dans les escaliers pour se rendre au parloir. Et pour les parloirs, il y a aussi la question des visiteurs handicapés, qui ça est moins posé. Mais il y a aussi le fait que du coup, quand tu as un proche qui est enfermé, si tu es handicapé, c'est très compliqué de pouvoir te rendre au parloir pour rendre visite à ton proche, parce que il n'y a pas du tout... Il n'y a pas du tout d'accessibilité prévue. Après, pour les personnes sourdes ou muettes, Il y a aussi l'impossibilité de joindre les surveillants depuis la cellule, parce que en cellule, ça passe par l'interphone. Il n'y a pas de livre en braille à la bibliothèque. Enfin, il n'y a vraiment rien qui est pensé, quoi. Et en prison, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Carapatage, mais il y a la plupart des démarches qui se font par l'écrit, ce qui peut aussi être impossible selon le type de handicap de la personne. Il y a très peu d'accès au travail, encore moins que pour les autres détenus. Et l'isolement, du coup, il est augmenté par le fait qu'il n'y a rien qui soit accessible. Et pour les personnes avec handicap mental, elles vont souvent être placées à l'isolement. Du coup, souvent, un peu comme tu disais tout à l'heure pour les personnes trans, ce qui va être mis en avant par la matonnerie, c'est le fait de devoir les protéger des autres détenus. Mais de fait, elles se retrouvent à l'isolement total, quoi. Un autre sujet qui est aussi pointé, c'est que pour les personnes handicapées qui ont besoin d'aide humaine, normalement, théoriquement, c'est possible de bénéficier de prestations d'aide et d'accompagnement de professionnels extérieurs. Mais dans les faits, c'est très rare d'y avoir accès. Et ces personnes se retrouvent très dépendantes de leurs codétenus pour les actes de la vie quotidienne, comme se laver, nettoyer sa cellule, et encore plus en maison d'arrêt. Au niveau de l'accès aux soins, on a déjà fait une émission sur la santé aussi, que vous pouvez retrouver sur notre blog. L'accès aux soins en prison, de manière générale, c'est très difficile. Et pour du coup, les personnes qui ont des besoins spécifiques, ça va être encore plus compliqué. Par exemple, c'est très compliqué de pouvoir accéder à un kiné. Et du coup, souvent, la personne, elle ne voit pas de kiné. Ce qui peut lui valoir des douleurs et une perte de motricité plus importante. Et si la surmédicamentation, c'est une pratique courante en prison, les prisonniers handicapés, ils peuvent particulièrement être concernés, notamment en cas de handicap mental où va y avoir un but de contention chimique de la part de la matonnerie. Tout à l'heure, on parlait de l'AAH, l'allocation pour adultes handicapés. Du coup, c'est possible de toucher l'AAH en prison, mais il faut se signaler auprès de la CAF au moment de l'incarcération. Et du coup, au bout du troisième mois d'incarcération, le montant de l'AAH, il va être limité généralement à 30%. Voilà. Après, ça dépend de la condition de la personne avant l'incarcération, si elle a un enfant, si elle vivait seule. Mais de façon générale, ça va être limité à 30% au bout du troisième mois d'incarcération, alors que l'AAH, c'est déjà pas grand-chose, comme on disait. Et voilà. Normalement, il y a la loi Kouchner qui existe, qui est censée suspendre la peine lorsque le pronostic vital de la personne il est engagé ou si l'état de santé est incompatible avec la détention. Dans les faits, c'est très peu appliqué pour le handicap. Il y a eu plusieurs condamnations de la CEDH pour des traitements inhumains, mais ça aboutit pas forcément toujours à des libérations pour autant. Et l'autre truc aussi sur le handicap avec la prison, c'est que le handicap, il peut augmenter avec l'enfermement ou se déclarer en prison. Parce que enfermé, ça a déjà un gros impact sur la perte des sens. Par exemple, la vue, ne jamais voir l'horizon, ne jamais voir loin, ça fait baisser la capacité visuelle. La prison, ça abîme le corps, du coup, et ça peut conduire à différents handicaps, quoi. Et sur la santé psychique aussi, il y a des possibilités de décompensation avec l'enfermement et d'augmentation des troubles. Et du coup, l'accès aux soins très mauvais, plus le fait d'être enfermé, ça fait que souvent les handicaps ils s'aggravent et que la santé des personnes se dégrade. Du coup, voilà, c'était un peu le point sur... parce qu'on a tendance un peu à penser quand on ne connaît pas que quand même on n'enferme pas les personnes handicapées, mais c'est pas ça qui les arrête, quoi. Et généralement ils vont juste faire quelques cellules PMR pour dire que c'est pris en compte, là où dans les faits ça n'est pas du tout, quoi. Et ouais, ce que tu as dit sur la fin, ça me fait penser aussi, on a déjà parlé dans cette émission d'un livre sur la prison qui s'appelle Cinq Sens, et qui est écrit plutôt d'un point de vue, d'un point de vue plutôt valide, mais qui montre bien un peu plein d'aspects, enfin comment l'enfermement impacte nos cinq sens, mais du coup un peu toute la personne, et du coup ça, ce livre il est pas mal pour aussi visualiser un peu à quel point avec ces handicaps ça peut avoir un impact vraiment très grand. Voilà, donc on va passer à la suite de l'émission, un autre sujet, mais avant ça on va s'écouter Passer l'orage de Grace et Volupté Van Van. Depuis qu'il est mort, la gueule tachée, ça marque le corps, je suis dépassé, indélébile dans la mémoire, ça éclabousse dans le miroir. Ça fait longtemps que je suis pas sorti, c'est pas ma faute, j'ai plus d'envie. Un jour sur deux, envie de crever. Un jour sur deux, j'ai picolé. Je dirais jamais que c'était mieux avant, même si je me branle les plus souvent. Un petit cœur, et ça suffit, pas sûr d'aller au bout de cette vie. Je ferai pas ça deux fois, ni en baleine, ni en chat, ni en punaise, ni en rat, ni en Marlène, ni en Schiappa. Tu sais, après 2024, eh ben y a 2025. Comment on fait? Comment on fait pour aller mieux? On croit toujours qu'on voit pas le bout. C'est un peu sain d'aller pas bien. Les gens heureux, c'est eux les fous. Les larmes qui coulent à flot. Les yeux vitreux, c'est beau sur les photos. Je te soutiendrai que ce soit avant, pendant, après. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je t'en dirai rien, je te donnerai mon rein, mon oreiller, mon temps ou mes deux seins. Je serai là pour toi jusqu'à la fin. S'il te plaît, je meurs avant toi. Je supporterai pas le monde sans toi. Même sous-marine, on luttera bien. Accroche-toi à moi, la surface est pas loin. On regardera ensemble passer l'orage. On comparera nos peaux qui prennent de l'âge. J'espère que tu fais pas exprès pour en faire une chanson. Lâche la culpa, t'as bien raison. On a peu de pause dans l'oppression. Mais je te promets des jours meilleurs. Je deviens mystique ce soir. Je m'accroche à toi, j'oublie mes peurs. Passer l'orage, passer l'orage. On va se mettre bien, l'air de rien. On fera chier le monde jusqu'à la fin. Vous écoutez toujours Carapatage, donc là on est en direct jusqu'à un peu avant 22h probablement, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Vous pouvez nous appeler pendant toute l'émission au 01 43 71 89 40. Donc là on va passer au sujet du suicide assisté et de la fin de vie. Donc pour commencer, Alix, tu vas nous parler de la loi sur la fin de vie. Ouais, alors je vais en parler de façon très courte. C'est un projet de loi sur la fin de vie. Donc ça fait plusieurs années qu'on en entend un peu parler régulièrement dans les médias. Ce projet de loi, il était en débat à l'Assemblée nationale en juin 2024. Et pendant qu'il était en débat, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça a repoussé son examen. Et aujourd'hui, on commence à en entendre un peu reparler, et probablement on va en entendre encore plus parler dans les temps qui viennent, parce qu'il y a des députés qui demandent de reprendre l'examen de cette proposition de loi, du coup, qui s'était arrêtée avec la dissolution de l'Assemblée. Dans cette proposition de loi, je ne vais pas la détailler dans le détail, mais la mesure phare de cette proposition de loi, c'est la mise en place de ce qu'ils appellent une aide à mourir, c'est-à-dire la possibilité pour une personne d'accéder à une substance létale prescrite par un médecin. Et du coup, cette substance qui serait soit auto-administrée par la personne, soit administrée par un tiers dans certaines situations. Du coup, la proposition de loi, elle parle d'aide à mourir. Elle n'utilise pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Mais du coup, c'est une certaine forme de légalisation du suicide assisté où du coup, c'est la personne qui prend elle-même le produit létal prescrit par le médecin, et de l'euthanasie où c'est un tiers qui administre ce produit. Quand on en parle dans la presse, souvent, dans le débat, les positions, elles sont présentées de façon assez caricaturale. Et notamment, c'est un peu présenté comme si toute opposition à cette proposition de loi, c'était le fait des cathos de droite, parce qu'on n'aurait pas de droit sur la mort et que ça ne serait pas aux personnes de décider. C'est souvent les arguments qui sont avancés, alors qu'en réalité, parmi les opposants à cette proposition de loi, ce n'est pas homogène. Et il y a notamment des opposants qui sont anti-validistes et qui pointent les côtés validistes et eugénistes de cette proposition de loi. Du coup, voilà, c'est moins tranché que ce qui paraît. Et on vous propose d'écouter un extrait d'une émission de radio. Donc, c'est une émission de radio qui s'appelle Interlope. C'est une émission transpédiguine qui, en novembre 2022, a fait une émission sur le suicide assisté et sur le suicide en général. Du coup, cette émission, on mettra le lien sur notre blog. Et là, on va vous passer un petit extrait de cette émission pour que vous voyez un peu de quoi ça parle et quels sont les arguments qu'ils avancent contre le suicide assisté. Du coup, on parlait du droit à mourir. Et est-ce qu'en fait, on a toujours le choix? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un vrai libre choix de mourir? Car la vulnérabilité qui est créée par certaines situations, certaines conditions, signifie que les cibles, entre guillemets, du suicide assisté et de l'euthanasie n'ont pas le libre choix de l'endroit et de la façon dont elles vivent. Et que ces personnes, ces cibles, sont des personnes dont le corps et l'esprit ne correspondent pas toujours à l'idéal, qui sont exploitées au profit de ceux et celles qui sont au pouvoir. Ces cibles, ce sont les personnes âgées, malades, handicapées, qui font l'objet de soins, que ce soit en institution ou par des prestataires de soins à domicile à but lucratif. Parmi lesquelles aussi les personnes racialisées sont surreprésentées, en raison de la vulnérabilité créée et de la discrimination. Et c'est aussi considéré, dans le cadre de l'euthanasie et du suicide assisté, que certaines personnes en fin de vie sont foutues et n'hériteraient pas, ne pourraient pas s'épanouir, alors qu'en vrai, cet épanouissement nécessite d'organiser des services adaptés, des soins et du soutien, prévoir de l'aide humaine si besoin, des garanties de niveau de vie convenable, une aide personnelle qui serait autogérée à domicile, des interventions collectives de santé mentale, de prévention, d'appui communautaire. Et donc, c'est un choix, car fournir ces services produit meilleurs résultats, comme une meilleure qualité de vie, une réduction de la douleur et d'autres symptômes, moins de dépression et une espérance de vie plus longue. La mise à disposition de ces soutiens nécessite pas seulement un engagement financier, mais surtout un changement de vision, de pensée, par rapport à la croyance qui anime le mouvement vers l'euthanasie. Le handicap équivaut à de la souffrance et il vaut mieux être mort que handicapé. Pour continuer sur le sujet du suicide assisté, je vais vous parler un peu d'un documentaire que j'ai regardé à ce sujet. Si vous êtes une personne visiblement handicapée, il y a beaucoup de chances qu'on vous ait déjà dit « Purée, si j'étais toi, je préférerais être morte ». C'est par cette phrase que commence le documentaire Better Off Dead de Liskar que j'ai regardé pour vous parler du suicide assisté aujourd'hui. Son but, c'est de faire entendre les voix des handicapés sur le sujet. Pas forcément les voix qu'on entend le plus d'ailleurs. Lise raconte que quand enfant elle devient handicapée et commence à utiliser un fauteuil roulant, elle a envie de mourir. Parce qu'on se moque d'elle, parce qu'elle se sent inadaptée et que la vie ne lui semble pas valoir la peine. Aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, elle est contente que cette possibilité ne lui ait pas été offerte, car elle l'aurait sûrement choisie. Cela aurait été possible aux Pays-Bas où le suicide assisté est autorisé à partir de 12 ans. Pour ces raisons, elle milite contre le suicide assisté et l'euthanasie. Pour elle et ses camarades handicapés, militants antivalidistes, c'est une erreur de croire que le suicide assisté est une question de maladie à un stade terminal. Au contraire, c'est une question de handicap et de quelles vies sont désirables ou ne le sont pas. L'argument des pro-suicides assistés, en Angleterre, où vit Lise, est que cette mesure ne doit être réservée qu'aux personnes en toute fin de vie, à qui il reste moins de 6 mois à vivre. C'est à ce moment que le documentaire nous emmène au Canada, où depuis sa création en 2016, l'utilisation du suicide assisté ou de l'euthanasie a largement été élargie. La première année, la mesure MAID, Medical Assistance in Dying, assistance médicale à mourir, a concerné 1000 personnes. En 2022, ce sont déjà 13 000 personnes qui l'ont utilisé, permettant par ailleurs des conséquentes économies dans les dépenses de soins, des centaines de millions de dollars. Vous voyez venir le hic. Ça coûte moins cher à l'État de payer une euthanasie que de payer les dépenses de soins et d'autonomie des vieux, des malades, des handicapés. Et tout d'un coup, le suicide assisté dont on met en avant qu'il favorise l'autonomie et le contrôle sur soi devient bien moins sexy. D'autant plus que le dispositif MAID au Canada comporte désormais 2 voies. La voie 1 qui permet son application dans les 24 heures pour une maladie à un stade terminal, mais qui en réalité est parfois utilisée pour des cas de maladies guérissables et soignables. Et une deuxième voie qui en 90 jours permet d'accéder à une substance létale en cas de grande souffrance, sans engagement du pronostic vital à court terme. Et là, c'est la catastrophe. Comme dans les cas où elle est envisagée, utilisée par des personnes qui n'ont pas assez de thunes pour vivre. Le documentaire nous emmène à la rencontre d'un Canadien handicapé dont les allocations ne lui permettent pas de se loger. Il n'a pas envie de se retrouver à la rue parce que les hivers canadiens sont glaciaux et donc il préfère mettre fin à sa vie. Jusqu'à ce que sa situation soit médiatisée, qu'une cagnotte soit créée et qu'il renonce à son euthanasie, pourtant acceptée par son docteur et planifiée quelques semaines plus tard. Parce qu'en Ontario, ça prend 90 jours pour avoir l'autorisation d'être euthanasié et ça prend 10 ans pour obtenir un logement social. Quant au Canada, on doit attendre 6 mois pour avoir un arrêt de travail rémunéré, 1 an pour avoir un fauteuil roulant et des aides humaines à l'autonomie, contre 3 mois pour le suicide assisté. Est-ce qu'on peut encore parler de choix ? Et quand les proches et la société laissent entendre que notre présence est un poids ? Le documentaire finit par une scène avec Lise et ses camarades qui échangent sur leur vie, qu'il et elle trouvent chouette, qu'il et elle sont contentes de vivre. Une manière de montrer que c'est la société qui n'est pas adaptée à elle et non le contraire. La semaine prochaine, le Parlement de Grande-Bretagne va à nouveau examiner une loi sur la fin de vie. Et les militantes antivalidistes sont déjà sur le pont et vont tout faire pour qu'elle ne passe pas, d'autant plus dans un contexte d'épidémie du Covid et de destruction des hôpitaux. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a une différence de traitement entre les valides et les non-valides. Si une personne valide se suicide, c'est une tragédie. Si une personne non-valide veut le faire, c'est un soulagement. Il n'y a qu'à lire la presse en France pour voir comment les meurtres des enfants ou adultes handicapés par leurs proches sont excusés, voire présentés comme des actes d'amour. Il y a même des documentaires sur France 2 pour défendre ces meurtres. Or, ce que les militants handicapés demandent, c'est de pouvoir vivre, dans de bonnes conditions, et avec l'assistance nécessaire. En France, il y a une loi sur la fin de vie, déjà en application, qui permet par exemple une sédation forte lors des derniers jours de la vie ou en cas de grande souffrance. L'enjeu est d'avoir accès aux soins adaptés, d'avoir une place dans un lieu de soins, pas celui de délivrer des produits légaux pour se flinguer. Et comme dirait la dessinatrice Gwyn et handicapée Rizzo Boring, vos corps valides sont éphémères. Ce qui fait qu'on est toutes à court ou long terme concernées par cette question. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande aussi l'interview d'Elisa Rojas dans l'émission que j'ai déjà mentionnée, Minuit décousu, mais cette fois-ci le numéro 195. Et l'émission dont parlait Alix tout à l'heure, Interlope numéro 12, sur le suicide de manière générale dans une perspective féministe. On n'en a pas parlé ici en détail, mais d'une part, la décision de rester en vie ou non revient à chaque individu, et de nombreux cas de tentatives de suicide sont réprimés par l'État, qui prescrit souvent des séjours en hôpitopsie, que ce soit sous contrainte ou non. Sans parler des pays où les tentatives de suicide sont réprimées pénalement. L'émission Interlope revient aussi sur ce sujet, avec des conseils pour les personnes suicidaires et leurs proches. Force à tous. Ouais, et sur ce dernier truc aussi, je voulais rajouter qu'en France, du coup, le suicide n'est pas illégal, mais la propagande pro-suicide l'est depuis les années 80. Et aussi que tout ce que ces lois veulent apporter, c'est toujours... Et c'est pour ça que on s'y opposera toujours, c'est que c'est toujours sous un angle de l'institutionnalisation. Ça change en rien le rapport à la répression qui peut... être vécu en cas de tentative de suicide, sur le rapport aux soignants, le rapport à l'HP, le rapport aux les discours, enfin, la capacité de poser certains enjeux avec des proches, avec des institutions. Bref. Ouais, et puis je trouve aussi autour de ces questions d'institutionnalisation, il y a tout le truc de. C'est la question de quelle vie vaut la peine d'être vécue, et c'est dans ce sens-là que c'est hyper validiste, parce que c'est plus la personne concernée qui saurait ce qui est bon pour elle et ce qu'elle a envie de faire, mais c'est aussi mettre depuis l'extérieur des normes et des cases sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu, qu'est-ce qui vaut pas la peine d'être vécu, enfin qui... voilà. Enfin, c'est quand même assez troublant, je trouve, comme manière de concevoir les choses, quoi. Et aussi, je vais juste préciser, parce que du coup, dans l'émission, on parle... Enfin, nous, on dit suicide assisté, euthanasie, tout comme on dit handicapé. Enfin, le fait que dans les lois, dans les textes, ils utilisent tout plein de langage institutionnel. Bref, enfin, que c'est un choix de ne pas les reprendre, que les collectifs anti-validistes ne les reprennent pas. Que c'est tous ces euphémismes et ces espèces de mots techniques, ça reflète quasiment tout le temps des points de vue valides sur les handicapés. Et c'est jamais des mots qui viennent des personnes elles-mêmes. Et c'est avec cette transition sur l'auto-organisation. Alix, tu veux nous parler d'un documentaire? Ouais, je vais parler du documentaire Crip Camp, la révolution des éclopés. Du coup, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2020 par Nicole Newheim et James Lebrecht. Lebrecht, je sais pas trop comment ça se prononce. Ce documentaire, il traite des luttes des personnes handicapées pour leurs droits aux États-Unis dans les années 70-80. Du coup, il y a différentes personnes qui ont participé à ces luttes, qui sont interviewées dans le film. Et ça se base aussi beaucoup sur des images et des vidéos d'archives, à la fois des images des luttes, des manifestations, des occupations de bâtiments, et à la fois des images du camp de Jened, qui était un camp de vacances pour ados handicapés qui a existé entre 1951 et 1977, et qui était pas loin de Woodstock. Du coup, les différentes personnes qui sont interrogées pour ce film, elles ont à la fois participé au camp de Jened et à la fois plus tard aux luttes des personnes handicapées pour leurs droits. Et du coup, ces personnes, c'est un peu le fil rouge, et on les voit à la fois être interviewées aujourd'hui, à la fois quand elles étaient jeunes au camp et à la fois dans les luttes. Le camp de Jened, c'était un camp de vacances un peu hippie. Du coup, c'est durant la période, il a lieu durant la période du mouvement hippie aux États-Unis, et c'est un camp pour adolescents et jeunes adultes handicapés. Ça tient tout ce qu'il y a autour de ce camp, ça tient une grande place dans la première partie du film. On voit les jeunes s'amuser, profiter du camp, nouer des relations, mais on les voit aussi surtout échanger entre eux à propos des problématiques et des oppressions qu'ils peuvent subir en dehors du camp en tant que personnes handicapées. Du coup, la question de la non-mixité, elle est très présente dans le documentaire. Et ça nous permet de bien voir comment cette non-mixité, elle permet de faire émerger des préoccupations et des problématiques communes, puis des revendications, et que ça va participer à l'émergence d'un mouvement de lutte fort par la suite. Il y a beaucoup de témoignages dans le film sur ce que ça apporte comme prise de conscience de sortir pendant la durée de ce camp d'un monde où on subit le validisme grâce à cette non-mixité, et du coup ça permet d'expérimenter autre chose durant la durée du camp. Donc face à cette non-mixité au camp, comme une sorte d'opposition tout au long du film, il y a la ségrégation qui est subie par les personnes handicapées dans la société, avec entre autres le problème de la non-accessibilité à tout un tas de lieux et de moyens de transport, et l'existence des structures spécialisées spécifiques qui s'avèrent être des lieux d'enfermement et de maltraitance. Du coup, il y a toute la question de la désinstitutionnalisation et de la fin de ces structures spécialisées. On voit bien aussi dans le documentaire, avec la lutte des personnes handicapées pour leurs droits, qui petit à petit prend de l'ampleur, toute la vision validiste des politiciens. Donc la lutte qui est traitée, il n'y a pas toutes les luttes des personnes handicapées qui sont traitées dans ce film. Le film, il se centre sur la lutte autour de l'application de l'article 504. Donc l'article 504, il a été adopté quelques temps plus tôt et il doit marquer la fin de la discrimination envers les personnes handicapées de la part des administrations et des établissements qui touchent de l'argent public. Du coup, qu'ils doivent faire en sorte que s'ils touchent de l'argent public, ils discriminent pas les personnes porteuses d'un handicap. Mais dans les faits, ça tarde à être appliqué et les modalités d'application, elles sortent pas. Et du coup, va y avoir un gros mouvement de lutte qui va être mené par les personnes handicapées pour obtenir son application. Pour faire taire le mouvement et essayer de calmer le jeu, les politiciens ils vont tenter de dire que les revendications elles coûteraient beaucoup d'argent pour des avancées qui profiteraient à une petite minorité de personnes. Et ils vont présenter le fait de rendre certaines écoles ou certains établissements publics plus accessibles comme une avancée en prônant la doctrine du « séparé mais égal ». Du coup, voilà, que si y avait, s'il y a des lieux qui peuvent accueillir les personnes handicapées... c'est pas grave qu'ils ne puissent pas aller partout où ces personnes souhaitent aller, quoi. Du coup, la vision validiste du monde, elle n'est pas seulement dénoncée chez les politiciens, même si en raison du pouvoir qu'ils exercent, les conséquences, elles sont plus importantes que face à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Mais plus largement, cette vision validiste, elle est dénoncée chez tout le monde dans le film. Par exemple, il y a le témoignage d'une femme qui explique qu'un jour, elle s'est rendue à l'hôpital en ayant mal au ventre. Elle souffrait d'une MST, mais le médecin l'a opérée de l'appendicite et ne l'a même pas interrogée sur sa vie sexuelle, en préjugeant à l'avance qu'elle n'en avait pas à cause de son handicap. Il y a aussi des témoignages sur le fait que les gens appréhendent différemment les différents types de handicap et effectuent une sorte de hiérarchie entre eux. Selon cette hiérarchie, ce qui se rapproche le plus de la norme valide va être plus valorisé. Donc dans le film, il y a aussi beaucoup de personnes atteintes de la polio, parce que ça se passe à une époque où la polio est forte, et où du coup, ça va dire que on voit les hiérarchies que peuvent faire certaines personnes entre les handicaps dus à la polio ou dus aux lésions cérébrales. Du coup, ça donne une vision de comment le validisme, ça imprègne toute la société et que la lutte anti-validiste, ça nécessite une appréhension totalement différente du handicap. Voilà. Ce qui est bien, entre autres dans ce film, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'archives sur les luttes des personnes handicapées. Les archives, elles sont bien fournies. Il y a beaucoup de vidéos de manifestations, des prises de parole, d'occupations de bâtiments. Du coup, ça permet... d'avoir accès à toutes ces archives qu'on voit pas trop peu d'habitude à l'écran. Et juste, voilà, par contre, ça ne parle pas du tout des difficultés et des luttes anti-validistes aujourd'hui aux États-Unis. Ce n'est pas le sujet du film. Du coup, il ne faut pas s'attendre en allant voir le documentaire que ça parle de ça, quoi. Oui, ça pourrait peut-être laisser penser qu'aujourd'hui, c'est totalement différent, alors qu'en fait, non, et que c'est grave la galère aux États-Unis d'obtenir de l'aide, d'avoir des financements de quelque manière que ce soit, encore plus que... dans d'autres pays où c'est un tout petit peu mieux financé, quoi. Si on a fini. Je crois qu'on a tout dit. Pour aujourd'hui, en tout cas. Du coup, on va se laisser sur une musique un peu particulière. Parce qu'elle est faite uniquement avec des chants d'oiseaux. Voilà. Les oiseaux avec nous. Donc cette musique chouette qui s'appelle Nightjar de Cosmo Sheldrake. Salut. On pense fort à celles et ceux qui sont à l'intérieur, en prison. On vous envoie toute la force et on vous dit à dans 2 semaines. Salut. Bonne soirée. Sinon, vous pouvez retrouver l'émission sur le blog carapatage.noblogs.org. Vous pouvez aussi nous contacter par courrier au 5 Villa Stendhal 4 75020 au 4 Villa Stendhal 75020 Paris, par mail à carapatage@riseup.net ou sur Instagram @carapatage. Salut à tous, bon courage. Ouais, et du coup toutes les ressources aussi qu'on a utilisées pour cette émission, parce qu'il y en a pas mal, on mettra les liens sur le blog. Bisous mes vies. Thank you.